Poème 54, La vision de Dante, subdivisé en 17 parties. Dante m'est apparu. Voici ce qu'il m'a dit. Premièrement, je dormais sous la pierre où l'homme refroidit. Je sentais pénétrer, abattu comme l'arbre, l'oubli dans ma pensée et dans mes os le marbre. Tout en dormant, je crus entendre à mon côté une voix qui parlait dans cette obscurité et qui disait des mots étranges et funèbres. Je m'écriai « Qui donc est là dans les ténèbres ?» Et j'ajoutai, frottant mes yeux noirs et pesants, « Combien ai-je dormi ?» La voix dit « 500 ans. » « Tu viens de t'éveiller pour finir ton poème dans l'an 53 du siècle 19e. »